Planète Rap. Exclusivité Planète Rap. À la famille, là, c'est Soul King. Exclusivité Planète Rap. Et même dehors, on est enfermé. Dans la maison, Hugo. Le frérot peut frapper. On est la frappe. Vas-y, mon frère. Nous-mêmes, ça. Ouais, ouais, ouais. Suis-moi. Viva. Viva dans le loin de tous nos problèmes. Sois courageuse comme Tata. La plata, c'est mieux que les points. Ouais. Notre histoire sera si belle comme tes femmes de sirène. Ils veulent vivre notre vie, on veut être millionnaire. T'es mis à mon et ma complice, ma poteau. Et si je béton, tu cacheras le putain. Tu recadras les mythos des héros des poutins. Toi et moi jusqu'à la mort du Tchigueta. Allez comme moi cette fille-là. Elle me connaît cette fille-là. Elle est faite comme moi cette fille-là. Je veux le monde de cette fille-là. Salut, pour rien louper de ce qui se passe dans les studios de Skyrock, va t'abonner à la chaîne. A tout de suite. Planète Rap. Planète Rap.